Oh! Oh! Que vas-tu m'annoncer, Mathieu? Oh, j'ai une nouvelle breaking news. Il y a une émission le matin, assez fou, hein? Oh! Il y en a qui ne savent pas! Mais il y en a une émission le matin, assez fou! De 7h à 9h, du lundi au jeudi. Ben oui. Mais il y en a des fois, tu sais, ça ne donne pas parce que. Leur horaire ne concorde pas avec le 7h à 9h. Des fois, tu te lèves plus tard ou. Jean-Philippe Charbonneau et Mathieu Plante, t'animes ça? Ça me dit quelque chose vaguement. OK, ben Jean-Philippe, t'es chroniqueuse là le mercredi matin. Ah oui oui, OK, c'est eux autres, c'est ça élimine pas mal de choses. C'est là que je vais. Moi je pensais que j'étais somnambule puis c'est bizarre. Chroniqueuse dans son sommeil, Stéphanie Paradis. Donc voici les meilleurs moments d'assemblage requis dans ce qu'on appelle un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis, pour la semaine du 8 avril 2013. 9 façons d'apprêter l'œuf de Pâques Cadbury. Oh! Miroir. OK. Brouillé. À la coque. Oui! Dire coque, c'est toujours le fun à 7h04 matin. Cuit dur. Oui. Ben, écoute, je peux continuer comme ça. Ça pourrait être long. C'est un oiseau étourneau, un étourneau. Un étourneau. Un étourneau sans sonnet, dépend des endroits. En 1949, un paquet de détourneaux est atterri sur l'aiguille des minutes du Big Ben, l'horloge à Royaume-Uni. Ce qui a fait ralentir l'horloge de 5 minutes. Oh! 5 minutes de perdu à cause des détourneaux! C'est une éternité. Éternité. 5 minutes en retard sans sonner. Snooze! Sans sonner, tu sais, le... Ah, ça... Wow! Tu sais, le... À chaque année, les États-Unis jettent assez de films de plastique qu'on pourrait emballer l'État du Texas. Oh! Rappe-moi ça que je passe ça pour take-out. Wiki, wiki! Texas. Attends, Texas, pense... mes vœux. Ah, ah, c'est beau. Ah, Texas, mes vœux. Là, j'en reviens plus. J'en reviens plus. C'est trop pour moi, là. Ah, genre, moi non plus, je suis fatigué. Épuisé. On s'en va. Elephant Stone et Setting Sun. C'est quand même... Comment tu mets un éléphant, toi? Wow! T'es donc bien bon. Écoute, là, j'ai... dans la lutte. Oui, je pourrais être bruiteur. Bruiteur. Officiel, hey, j'aime ça. Devine ce que j'ai mis. Quelqu'un qui suce un suçon. Oui. Oui, bravo. Voilà. Merci, Charles-Antoine. Merci beaucoup, messieurs. Bonne journée. Pile poil. Fini. Juste à temps. Est intense, celle-là. Hein? Oui. Je l'ai rarement entendu là, aussi intense que ça. J'ai des gaz. C'est le sac de banane qui presse trop contre l'estomac. Exactement. On s'en va entendre ponctuation. Voici à bout de souffle. Mercredi 10 avril 2013, je m'appelle Mathieu Plante et je sais pas si tous les autres participants à l'émission d'aujourd'hui m'ont posé un lapin, m'ont laissé tomber parce que seulement David Ferron est en studio dès le début de l'émission cette semaine, aujourd'hui. Bonjour David, ça va bien mon frère? Ben oui, toi? Oui, content de te voir? Ben tant mieux, moi aussi je suis content de te voir, puis moi aussi j'étais content de me voir ce matin quand je me suis vu au... Devant mon miroir ce matin, j'ai fait comme « You look so great ». Yeah! Who's the Beau Bonhomme? Mais... Une canette aussi, ça explose? Ouais. Ça se brasse? Y'a pas grand place pour brasser ça, la canette. Pourquoi tu donnes trois petits coups sur ta canette d'abord avant? Trois petits coups sur le dessus de ta canette. En forme de... Slim. Pas de curpip, parce que c'est Jean-Philippe. Faut que ça rime, les surnoms, faut que ça rime, Jean-Philippe. Moi, je suis tout qu'un curpip. Curpip, ben t'es très doux. Oh! Et un petit peu piquant un peu. Oui, juste en haut. Puis je goûte tout le temps la menthe. Et voilà. Un tout petit peu. La menthe? Ouais, curpip, non, c'est vrai, ça, c'est les cure-dents. David, imite-nous Pikachu. Pikachu! Pika, voilà. Pika, pika! Imaginez avoir ça tous les matins dans votre chambre à coucher, c'est avec le super fatigant. Réveillez-vous! Oui, merci. Snooze, David. Le Pikachu Talking Alarm Clock, donc c'est vraiment une alarme pour se réveiller avec la voix de Pikachu. Hey. Le snooze marche pas, c'est Bibi. Hein? Le snooze marche pas, c'est Bibi, comme dans Bibi et Geneviève. Oh! Ah, à place de peser sur snooze, tu pèses sur Bibi. Oui. Il aurait aimé ça se faire peser dessus, lui, hein? Jean-Philippe Charbonneau est là. Oui, et Mathieu Plante aussi. Mais t'es pas là pour longtemps, toi? Non, je dois quitter pour un cours. Déjà, hein, parce qu'on sait que David, ça va dépasser l'ennemi. Fait. Ouais. Ben, c'est ça, je voudrais pas t'interrompre en plein milieu de ta lancée. Pourquoi tu me quittes? Ben, j'écouterai les meilleurs moments. Voir que je mets ça dans les meilleurs moments. David, il me regarde avec une face de petit chien piteux. Ouais, mais on dirait qu'il va avoir, tu sais, les petites bêtes là, qui ont tout à coup des grosses, grosses dents. On dirait qu'il va. David Ferrolk. Et on t'en remercie. Ça me fait plaisir, merci de m'avoir accueilli. Encore une fois. T'es remercié de tes services, David. Merci. Je te remercie. Dans le sens de. Ouais. Pika, pika, snooze. De devil, Pikachu. Hey, on prend une pause pour pouvoir faire Skinky Sexy Time dans quelques minutes. Oui. Si on veut se rendre jusque-là, on ma deuxième chronique préférée. Ben oui, ton top 5. Après la langue dans ton oreille, évidemment. Ça, c'est dans le top 25. Oh. Retour, on parle de la règle des 10 000 heures. Hey, une fille, c'est les règles pendant 10 000 heures. Ah! Oh! L'apocalypse n'est pas loin. Je rentre dans le studio un matin, qu'est-ce que je vois pas sur l'écran? C'est pas des poutines pis des pizzas. Oh, c'est pas ce que tu penses. C'est pas ce que je pense. C'est de la porn-tine. Oui. J'essayais de fermer pis là, il y avait plein de pop-up de pizza pis de poutines. Ah, ouais. Ils disent tout ça. Ils disent tout ça. Jean-Philippe Charbonneau est toujours là. Oui, mais tu plantes aussi. Charbonneau. Plante. Plante, hein? Uh-huh. Pas plat-ventre, en tout cas. Non! sujet compliqué, sujet, je pourrais même dire, touché. Oui. Touché, épineux, comme on dit tantôt. Un petit peu. Parlant d'épineux, Jean-Philippe. Oui. Et on a parlé de porc en début de chronique. Donc voici Porc Épic de Damien Robitaille. Porc Épic. Une bête ben sympathique. Quand il y a des problèmes, pas de problème, je dresse mes aiguilles. Personne ne peut pénétrer ma coquille. C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 8 avril 2013, hein? Hey, pika pika snooze, hey. Je sais pas s'il y a un snooze sur David Ferrand, j'aimerais ça le trouver. Pour poser ce gars-là! Ouais, il pèse pas n'importe où, là, c'est pour avoir des mauvaises surprises. Ça veut rien dire, hein? Oh, de toute façon, je vais pas comme le poker un peu partout pour voir ce que ça donne. Non, ben non, ben non, non, non, non. Oh, pour avoir non. Des mauvaises surprises. C'est ça, faut faire attention à ce petit David-là, une petite bête de scène. Ah ouais, c'est plate qu'il saigne en studio pour qu'on le voit pas, tu sais. Il fait des prestations. C'est très visuel comme gag, souvent. Ouais, David est un gars visuel. On le retrouve tous les mercredis matin. On fait aux deux semaines à Assemblage Requis. Et les autres deux semaines, entre les deux, ici même au Palmarès C'est Fou, il va être avec nous la semaine prochaine, dans la prochaine édition. Je pense que je pourrais pas être là. Ah, triste, hein? Pas entre 5h et quart et 6h. C'est pas mal l'heure. Ben non. David, si tu nous écoutes, là, je t'aime, David. Bisous, bisous. Gros bec! Donc, retrouvez David, retrouvez Stéphanie Paradis aussi, tous les mercredis matin. Et tous les autres chroniqueurs, Jean-Philippe Charbonneau et moi, au sommet de cette émission, dans la hiérarchie, l'organigramme d'Assemblage Requis. On est les deux gars en haut, là. Waouh, ça a l'air important, tout ça. Du lundi au jeudi, entre 7h et 9h, et c'est même assez fou. 89 FM!